Je vais intervenir sur deux points. Sur les recours, quand il y a un recours, ce n'est pas forcément pour avoir un nouveau code, c'est pour rappeler certains principes. Les principes républicains, l'égalité de traitement, ça vaut ce que ça vaut. C'est des principes à réaffirmer face à des réformes qui sont des rhétoriques de management. Les principes d'autonomie dans le statut, c'est écrit dans les lois sur la recherche de 84 et même dans les nouvelles lois. Autonomie, article 2 ou 6, c'est ça. Donc, il s'agit de les reconvoquer face à des réformes, des politiques et discours qui les mettent à mal. Donc ce n'est pas forcément recodifié. Sur le blues de la mobilisation n'est plus ce qu'elle s'était. Il faut prendre conscience qu'elle s'est un peu déplacée, la mobilisation, parce qu'en 2003 ou en 2000, l'an dernier, on se battait contre les principes de ces réformes-là en disant on n'en veut pas parce qu'elles mènent dans le mur sur les étudiants, sur la vocation éducative émancipatrice, le pari du marché domine tout, etc. Après, une fois qu'on s'est battu sur les principes, entre parenthèses, la mobilisation contre les rues est venue après le vote de la loi. Donc il y avait un temps de retard. Mais donc la bataille aujourd'hui, sans généraliser, on est dans les contradictions. Pratique vécue, alors ça a été dit au niveau des métiers, surcharge de temps de travail, concurrence quotidienne. Est-ce qu'on joue la concurrence? Est-ce qu'on la subit? Gagnant et perdant, on est dans ces registres-là. Si on va au juridique, c'est pour montrer la contradiction dans les principes. J'ai dit, entre principes républicains, ce qui était acquis, et les rhétoriques de management, il faut démontrer qu'elles ne sont pas républicaines. Ça, c'est notre boulot aujourd'hui. Et au moment des présidentielles, ce sera sur le bilan de ces réformes. Est-ce qu'elles vont dans le mur ou pas? Même si, entre parenthèses, les étudiants sont avancés. Il y a des réunions à Bruxelles ou à Vienne sur bilan de Bologne. Pas forcément exhaustif, pas forcément complet, mais des collectifs qui disent la chose. Des fois des collectifs Internet, des collectifs TGV, voilà. Il y a eu un étudiant qui est venu, qui était plutôt CJC ici, et je me souviens de l'avoir repris, peut-être maladroitement, au mois de mars. Les enjeux de professionnalisation du master, avec le reproche classique, la recherche ne s'occupe pas de la professionnalisation. Alors vous, enseignants, quand vous revendiquez autonome faisant de la recherche, vous ne vous occupez pas. Moi, j'ai essayé de lui démontrer, mais ce sera à reprendre, que l'allongement des études, parce que c'est ça la base de la masterisation, pose une série de problèmes, les effectifs, sur ce champ de travail, mais ne pose pas plus de repères sur la professionnalisation. Mon argument qui peut être discuté, c'est la division claire entre DESS et DEA marquait pour l'étudiant et pour les enseignants à 4 ans et à 5 ans, alors que le master voulait tout réunir, veut réunir la recherche, l'enseignement, la prolongation, l'Europe, et créer la confusion des objectifs. Ceci dit, je pense que c'est à chaque collectivité de redéfinir cette répartition des objectifs. Mais là, on est dans la confusion totale, ce que tout le monde ressent, et ce qu'on appelle concurrence, c'est entre concurrence et concurrence. Donc, sans être trop pessimiste, c'est l'époque des contradictions, c'est notre rôle de dire ces contradictions, mais si on fait un peu de l'histoire de la périodisation, bien que je sois sociologue, il y a contradiction vécue et contradiction pensée et contradiction dans les principes. C'est pour ça que l'appel au droit me paraît légitime sans tout résoudre.